Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 30. Du désir appelé concupiscence. L'appétit sensitif est le siège de la concupiscence. L'appétit concupiscible est son sujet propre. De la concupiscence naturelle et de la concupiscence supranaturelle. Si la concupiscence est infinie. 1. La concupiscence est-elle seulement dans l'appétit sensitif? La concupiscence est le désir de la délectation. Or, il y a deux sortes de délectation. L'une se rapporte au bien intelligible, et elle appartient, par cela même, exclusivement à l'âme. Aussi le désir de la sagesse et des biens spirituels reçoit quelquefois le nom de concupiscence dans un sens métaphorique. L'autre a rapport aux biens sensibles, elle est ressentie par l'âme et par le corps tout à la fois, le bien des sens appartenant à l'homme. Comme la concupiscence est, à proprement parler, le désir de la délectation sensible, on doit dire qu'elle est dans l'appétit sensitif, et surtout dans l'appétit concupiscible, auquel elle a donné son nom. Note. Partout, dans cette question, la concupiscence peut se traduire par le désir de ce qui flatte. Fin de la note. 2. La concupiscence est-elle une passion spéciale? La concupiscence est distincte de l'amour, qui est sa cause, et de la délectation, qui est son terme, elle est donc une passion spéciale qui diffère de l'amour et de la délectation. Elle a pour objet le bien sensible, non, comme l'amour et la délectation, le bien présent, mais le bien absent. Note. Bossuet définit le désir, une passion qui nous pousse à rechercher le bien que nous aimons, quand il est absent. Fin de la note. 3. Peut-on dire qu'il y a des concupiscences naturelles et des concupiscences non naturelles? On appelle concupiscences naturelles celles qui conviennent à la nature animale, comme la nourriture, la boisson et les autres semblables, elles sont nécessaires, l'homme et la brute les éprouvent également. Les autres, qui s'exercent en dehors des besoins de la nature animale, sont propres à l'homme, on les nomme concupiscences non naturelles, pour indiquer qu'elles sont surajoutées aux premières. On pourrait les appeler concupiscences supranaturelles ou raisonnables, car, perçues intellectuellement par la raison, elles relèvent de la raison elle-même, qui ne doit les suivre qu'après délibération. Note. Ces dernières sont supérieures à la nature, parce qu'elles nous portent vers les biens qui résident dans la raison ou qui sont au-dessus de la raison elle-même. On les appelle non naturelles, parce qu'elles sont en dehors de la nature animale qui est commune à l'homme et à la brute. Bien qu'elles soient les compagnes de la raison, l'homme peut en abuser comme des autres, en se livrant à la cupidité. Fin de la note. 4. La concupiscence est-elle infinie? On vient de voir qu'il y a une concupiscence naturelle et une concupiscence supranaturelle. La concupiscence naturelle, qui a pour objet ce que la nature requiert, et qui se rapporte toujours à quelque chose de fini et de déterminé, ne peut pas être infinie en acte. Un homme ne désire pas une nourriture infinie, une boisson infinie, mais elle peut être infinie dans la succession de ses mouvements, en ce sens qu'après avoir obtenu de la nourriture, nous en désirons encore dans la suite, et que les désirs de tous les biens exigés par la nature sont sans cesse renaissants. Ainsi le Sauveur disait à la Samaritaine, « Celui qui aura bu de cette eau aura encore soif. » Jean 4, 13. Quant à la concupiscence qui est supranaturelle, c'est-à-dire qui ne ressort pas nécessairement de la nature, elle peut être infinie sous tous les rapports, parce qu'elle marche à la suite de la raison. à laquelle il est donné de s'étendre à l'infini. L'homme qui désire les richesses peut les désirer sans borne, en voulant, par exemple, devenir aussi riche que possible. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.